Depuis quelques semaines, lorsque je vois une personne qui jette une cigarette dans la rue... Vous la ramassez, vous la fumez. Ou qui a un silencieux duquel sort une épaisse fumée, j'ai envie de crever les pneus pour qu'ils comprennent ou sortir de mon auto pour informer celle qui jette sa cigarette. Mais juste l'air qui est dans les pneus, là, est mieux de rester des pneus. Elle est pas mal polluée. Est-ce de l'ego ou quoi? Bon, oui, c'est sûr que c'est de l'ego, mais ça fait partie de la conscientisation. La personne, elle commence à être plus sensible. On en a déjà parlé de la sensibilité qui se développerait. La personne de plus en plus sensible, de ce fait, nécessairement, parce qu'elle n'est pas encore suffisamment centrée chez elle, elle vit ça égoïquement. En réalité, ce qui arrive simplement, c'est que les choses qui ne sont pas intelligentes, ça ne veut pas dire que les humains ne sont pas intelligents, ils sont manipulés. Les choses, les événements qui ne sont pas intelligents, nécessairement, nous, il y a un temps où on est suffisamment sensible, où on perçoit ça et c'est comme une insulte. Moi, j'ai eu énormément de difficultés pendant un grand bout de temps à supporter le fait de voir des individus intelligents niaiser. Des gros épais, des gros épaisses, là, qui sont super intelligents, mais qui, pour se protéger de leur intelligence, parce qu'ils n'ont jamais été reconnus ou reçus parce qu'ils étaient trop intelligents, ben, ils finissent par se protéger sur l'épaisseur. Ou des jeunes, à un moment donné, qui font juste faire des imbécilités alors qu'ils sont totalement intelligents, ça m'insultait. Ça m'insultait pas moi, mais ça m'insultait. Bon, spirituellement, on dirait ça insulte l'intelligence. Mais vu que je ne suis pas spirituel, je ne peux pas dire ça. Alors, la personne, c'est ça, sa sensibilité commence à être mise en épreuve, c'est-à-dire qu'elle développe sa sensibilité, elle développe sa conscience, vous êtes simplement en train d'apprendre, mais on ne peut pas rien faire pour ces gens-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à changer, puis par imprégnation, ça prend toujours des milliers d'années sur l'imprégnation, Adolf Hitler était plus pressé que moi, mais par imprégnation, progressivement, les individus finissent par devenir aussi conséquentiels, etc. On peut faire comme un de nos amis, puis... enrôler dans la police de Montréal, ils arrêtent tous ceux qui font ça. Ah oui, lui, oui, quand il voit quelqu'un chez avec une cigarette à terre, contravention. Tu peux passer trop vite, c'est pas payé maintenant, c'est pas votre cigarette par la fenêtre. C'est ça. Faites un arrestop à l'italienne, ça va, mais jetez pas votre cigarette par la fenêtre. Puis j'ai un de mes amis, moi, il est pompier, lui. Faut pas t'arrêter la fenêtre fermée. Moi, tu vois. Il est con. Mais prenons maintenant un exemple d'autre chose. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez une personne dans son automobile en train de fumer? M'a donné à jeter la cigarette par la fenêtre. Ah là, vous en avez. Ah bon. Là, vous sautez dessus. La pauvre personne qui fumait, il y a déjà assez qu'elle fume, comme problème. Hein? En plus, il ne faut pas qu'elle ait des non-fumeurs sur le dos. Mais là, imaginez qu'elle est en train de fumer et qu'elle se dit « Maudit que je t'épais, j'arrête! » L'autre vient gueuler parce qu'elle chasse des cigarettes à terre. La personne qui, bon, son tuyau, là, son silencieux, elle le fait réparer. Puis là, elle recule quelque part, bang, elle accroche une chaîne de trottoir, puis elle repart, puis ça pollue. Puis là, on va l'engueuler. Elle vient de payer, elle va faire réparer. On ne sait vraiment jamais comment la vie tripote les gens. Il y a suffisamment de malheur dans la vie des individus, sans qu'en plus on aille au nom de je ne sais quoi ou de ce que je sais, leur faire la morale, les leçons en plus. C'est déjà assez compliqué. Alors non, c'est effectivement, l'ego, lui, vit la sensibilité, puis il veut évidemment éliminer ce qui crée une forme d'irritation chez lui. Mais ce n'est pas les individus qui polluent ou qui font ceci ou qui font cela. C'est pas. Imaginez, on va empêcher 800 000 automobilistes de polluer, là, puis pouf, il y a un volcan qui nous éclate d'en faire l'autre bord de la planète. Lui, il pollue pour les 200 prochaines années autant que toutes nos automobiles réunies. Hey, vous pensez, quand le Krakatoa a pété, ça ne vous dit rien le Krakatoa parce que vous n'étiez pas né, mais quand le Krakatoa a pété, la trace de fumée a fait le tour de la planète. Puis l'autre bord de l'océan, souvent, en plein jour, le soleil, on ne le voyait presque pas. Le Koweït, c'est un pet. C'est pas grand-chose. C'est une centaine de puits de pétrole qui brûlent. Mais l'Etna, c'est la même chose. Là, aux Philippines, ils n'ont pas besoin de puits de pétrole pour se polluer la face. Il y a un volcan qui s'émancipe. C'est l'ego. Mais ça fait partie de la sensibilité qui se développe. C'est essentiel. Et on doit apprendre à supporter cette sensibilité-là qui se développe pour continuer à reconnaître la conscience qui commence à nous habiter. Ce qu'on doit faire simplement, c'est que quand on voit quelqu'un jeter son mégot de cigarette à terre, ben, on doit simplement conscientiser que c'est pollution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez digérer la conscience de ça. Ça veut dire que vous allez devenir de moins en moins polluant. Mais l'autre, c'est pas grave. Parce qu'il y a des personnes, là, ça les enrage noir quand ils voient quelqu'un jeter son mégot de cigarette. Mais le savon qu'il prend pour se laver, c'est pas du savon biodégradable. Puis quand il va acheter des jus au magasin, il prend pas les grosses pintes, il prend les gros litres, il prend les petits paquets. C'est plus pratique. C'est suremballé, ça. Mais ça en fait de la pollution. Puis il ramène pas ses sacs au supermarché, ça. Il les jette, puis il en prend d'autres, puis il jette, puis il en prend d'autres. Bon, non. Puis il se mouche sans arrêt, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, c'est un petit bout d'arbre. Puis il a flingue, flingue, flingue. Avant de chioler, parce que l'autre, il jette une cigarette à terre. On doit juste observer. L'eau, tu te brosses les dents, tu laisses ton robinet, puis tu brosses les dents. Ben c'est ça, tu gaspilles de l'eau. Puis, l'idée simplement, c'est que la sensibilité doit servir pour nous. Pour les autres, c'est pas important pour les autres. Chacun va vivre son karma, chacun va apprendre quand il aura à apprendre. Si la personne, elle vous regarde, elle vous dit, c'est correct ce que j'ai fait, là, vous dites non. Il dit, pourquoi? Elle vous dit, il comprendra pas. Je lui pose la question, c'est parce qu'il est pas prêt à comprendre. Bon, on s'en va. On garde ces énergies pour ça, pour qu'on se facilite la vie. Puis le pauvre monde, il y a en masse de problèmes dans l'humain, sans qu'en plus l'humain vienne en faire. Mais on doit, par contre, cellulariser pour soi les choses. C'est la sensibilité, elle permet de nous conscientiser. Pour être en contact avec mon esprit, dois-je être constamment dans le silence et écouter l'intelligence et la décoder, ou dois-je lui poser des questions et être à l'écoute des réponses? Ben, disons que grosso modo, rien de ça. Voilà. Et puis petit modo, ça serait quoi? Écoute bien. Petit modo. Pour être en contact avec mon esprit, je dois constamment parler et je dois écouter ce que je dis lorsque je parle sans essayer de décoder les choses qui sont dites. Être en contact avec son esprit, c'est recevoir de l'énergie, pas recevoir des connaissances. Donc, je n'apprends pas nécessairement, je ne comprends pas nécessairement, ça va venir à la longue, mais je n'apprends pas nécessairement, je ne comprends pas nécessairement, et je dois parler et je dois écouter ce que je dis. Ce qui est important, c'est qu'on doit parler du neuf. Je dis souvent aux séminaristes que moi, si je ne m'autoriserais pas à dire n'importe quoi, je ne pourrais pas faire de conférence. Bon, alors, les individus, c'est la même chose. Les personnes doivent parler, dire n'importe quoi. J'ai vu une chose bizarre hier dans ma cour. C'était quoi? Je ne sais pas, peut-être c'était un extraterrestre. Là, en le disant, vous savez que ce n'est pas ça. À moins que c'était peut-être un farfadet. Là, vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas ça. En tout cas, ça ressemble à ça. Une fée peut... Non, ce n'est pas une fée. Mais en parlant, là, c'est ça. Le problème chez l'humain, c'est que tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Okay? Gallo, qui s'imagine qu'il y a un extraterrestre qui descend dans sa cour, vient de le voir. Non, il a dit ça pour vérifier si c'était ça. Bon. Alors, pour être encore centré avec son esprit, on doit parler. Mais il y a une grosse nuance entre penser puis parler. Donc, pensez pas, mais parler. On peut parler dans sa tête, on peut parler à voix haute. Il faut parler. Décoder. Il faut se laisser le temps. Il y a des mutations au niveau neuronique, au niveau endocrinien, au niveau psychologique. Il y a des choses qui vont s'expandre dans la conscience. Alors, on se laisse du temps et puis, à un moment donné, bien, soit progressivement, on finit par comprendre les farces écrites dans le livre. Alors, les premières fois, j'ai lu du Bob Moran, moi, je comprenais rien. Enfin, c'est normal, je ne savais pas lire. Fait, bon. Mais après ça, j'étais à l'école, j'ai appris à lire, puis j'ai commencé à lire mes Bob Moran, puis je comprenais un peu. Et puis, j'ai continué à lire. Puis, à un moment donné, bien, là, j'y comprenais tout. Puis, quand j'y comprenais super tout, là, je comprenais tellement bien, là, que je commençais à plus aimer ça, parce que je comprenais que le gars était macho, puis je comprenais pas qu'à faire. Mais j'étais passé à travers comme ça, puis j'avais appris. Mais avec le temps, si j'avais arrêté de lire à cause que je ne comprenais pas, comme il y en a plusieurs souvent dans les jeunes, ce qu'ils font, du moins, c'est pas tout à fait parfois au départ, ils lâchent. Pour le contact avec l'intelligence supramentale, avec son esprit, c'est la même chose. Vous devez parler. Alors la personne ici, est-ce que je dois faire le silence? Oh, non. Si vous faites le silence, c'est la pensée qui va rentrer. Puis là, vous allez lutter pour éliminer la pensée, contrôler la pensée. Bien, pendant ce temps-là, vous êtes toujours en guerre. On parle. Puis on rejette ce qui est pas correct. On écoute ce qu'on dit. Le fantasme est-il un refoulement ou un défoulement? Le fantasme, c'est un fantasme. Ça dépend des personnes. Le fantasme, ce n'est pas un refoulement. C'est les deux. Voilà. Donc, c'est pas un refoulement simple. C'est pas un défoulement simple. Le fantasme, c'est simplement parce qu'on a besoin de nourriture astrale. Donc, il y a un refoulement quelque part. On n'a pas pu aimer quelqu'un. On n'a pas pu parler à quelqu'un. On n'a pas pu faire des choses. Et puis, on a besoin de s'alimenter de ces choses-là. Alors, à un moment donné, on va, parce qu'on a refoulé, on va pas lentement, le refoulement peut devenir extrêmement mal canalisé, et ça va lentement s'amplifier, puis ça va créer un fantasme. Dans le fantasme, la personne, elle va se défouler. C'est-à-dire qu'en réalité, elle va s'alimenter. Donc, elle se nourrit, ce qui fait qu'elle a moins faim. C'est le résultat du défoulement. Un fantasme, c'est ça. Mais un fantasme, c'est toujours une énergie ou un besoin qui est vraiment mal canalisé. Un fantasme sexuel, c'est mal canalisé. La sexualité, je le répète encore une fois, chez l'être ancien, chez la majorité des habitants de cette planète, la sexualité, c'est la lettre majuscule qui commence une phrase. que la sexualité chez l'être nouveau, c'est le point qui finit la phrase. Bien d'autres choses avant. Alors, par exemple, un fantasme sexuel, c'est simplement parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement mal canalisées. Tous les fantasmes sont une mauvaise canalisation de besoins ou d'énergie. Alors, parce qu'on refoule, à un moment donné, on se défoule dans le fantasme de façon à alimenter l'ego. Comment discerner un sentiment d'une émotion? Ben, c'est simple. Si ça vous rapporte pas grand-chose, c'est une émotion. Non, c'est un sentiment. Puis si ça vous rapporte plein de choses, vous le trippez bien gros, là, puis c'est une émotion. Un sentiment, ça, ce n'est pas répercuté dans le corps physique. Un sentiment, on peut sentir, il y a certains sentiments qu'on va être capable de percevoir parce qu'on va se sentir, là, on va avoir la chair de poule, on va sentir des vibrations qui passent le long de la colonne ou quelque part sur le corps. Mais un sentiment n'engendre jamais de sécrétion endocrinienne ou exocrinienne. Disons exocrinienne de temps en temps, mais jamais endocrinienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sentiment n'accélérera pas le cœur. Et un sentiment ne vous fera pas transpirer, vous ne devenez pas rouge, vous ne devenez pas blanc, vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, vous n'êtes pas constipé. L'émotion est toujours une expression dans le corps physique, lue ensuite par l'ego. Le sentiment, c'est une perception endoformique, c'est-à-dire qu'on perçoit une onde de forme, on perçoit une forme, on perçoit la beauté d'un paysage, d'un individu, d'une parole, d'un événement, de quelque chose, et on vibre à ça. Ça, c'est un sentiment. Mais on vibre. On n'a pas de tachycardie, on n'a pas d'accélération, on n'a rien au niveau physique. Et on n'a pas un sentiment, on ne recherche pas, on ne cherche pas à avoir un sentiment qu'on a eu. Parce que pour avoir un sentiment, de toute façon, il faut qu'on soit vivant, spontané. Et tandis que l'émotion, vu qu'on l'a gavé, on l'a cristallisé en mémoire, bien, à un moment donné, on va s'en rappeler, on appelle ça nostalgiser, ou on va rechercher encore à vivre la même émotion. Là, c'était une émotion. Mais l'émotion est toujours physique, le sentiment est toujours vitalique, au niveau du corps vital. Est-ce que je laisse passer l'énergie et j'observe ce qui est plus utile ou est-ce plus utile que de couper? Est-ce que je peux savoir avant si une émotion, si ce sera une émotion ou un sentiment? Bon, il faut faire attention parce que, voilà, là j'ai des questions. Merci. Il faut faire attention, pourquoi? Parce que il y a des choses qui ne sont pas importantes de régler tout de suite. Des choses qui vont se régler tout seul, des choses qui font partie des symptômes secondaires de la conscientisation. Est-ce que je laisse passer l'énergie et j'observe? Ça dépend de l'énergie qui part. Si c'est l'énergie qui vous demande de vous muscler le corps physique, ben arrêtez là. Ou si c'est plus utile de couper? Ben, c'est l'énergie qui va vous guérir, coupez la peau. Autrement dit, soyez votre seul maître. Vous observez simplement ce que c'est. Si ça a de l'allure, on poursuit. Si ça n'a pas d'allure, on ne poursuit pas. Puis si on ne veut pas poursuivre, il faut les manipuler à poursuivre, bon, poursuivre. Puis quand on est fini, ben, ça prouve qu'il faut les manipuler, c'est tout. Mais il ne faut pas se faire un plat avec certaines petites choses. Il y a des choses qui se règlent seules, des choses qui avancent seules. Puis en ce qui concerne l'énergie, voyez-vous, c'est ceci. Cosmiquement parlant, l'énergie, on la laisse passer. On ne l'arrête pas. On appelle ça être transparent, avoir une âme pure quand on laisse passer l'énergie. La problématique, c'est que les égos sont là. Les égos sont des virus créés dans l'âme. Par l'expérience de l'humain sur le plan planétaire, par le processus réincarnationnel qui se fait 24 heures sur 24, se réincarne chez nous 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Ça se désincarne et ça s'incarne. Et ça, c'est l'ego. Alors, évidemment, tant qu'on a un ego, toute énergie qui va passer est colorée par l'ego. Exactement comme quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, ben non, vous voyez un arbre, on va dire un arbre, c'est moins humain. On voyait un arbre, l'arbre, le visuel de l'arbre passe par vos yeux puis s'en va à votre conscience. Mais il passe dans un filtre, l'ego. Alors, un arbre, un bel arbre. Ou un arbre laid. J'ai vu un arbre laid. Mais non, t'as vu un arbre. Et là, vous regardez encore, là? Mais non, mais il est laid. C'est ça, c'est coloré. Alors, la problématique, c'est ça. L'énergie, le dessin, la même chose. Sauf qu'elle traverse un processus qui est l'ego. Un processus dans le sens médical. Un promontoire qui est l'ego. Et nécessairement, bien, on le laisse passer. Si je laisse couler l'énergie à travers un filtre colorant qui le déforme complètement, ben, ce qui va sortir n'est pas nécessairement écologique, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Donc, je dois empêcher l'énergie de passer. Pourquoi je dois l'empêcher de passer? Parce que je ne suis pas prêt à la recevoir, parce que le filtre dans lequel elle va passer va la déformer. Alors, je peux essayer, ce que l'humain a essayé pendant longtemps, je peux essayer philosophiquement, occultement, théologiquement, etc., de transformer le filtre pour rectifier l'énergie, pour que l'énergie qui soit exprimée soit en conformité avec les concepts de ma religion, de mes croyances ou de ces choses-là. Mais la meilleure chose à faire, c'est couper. C'est un contexte mental qui me dit un paquet d'affaires, puis c'est tout croche, mais là, cesse d'en avoir. Qu'est-ce que je fais? fais du sport. Tu manges mieux. Élimine du karma en arrière. Place les choses. Puis lentement, ton ego va fondre. On appelle ça de la négoïsation. Puis en t'en égoïsant, à un moment donné, quand ça va réouvrir au niveau du contact avec l'esprit, avec l'intelligence, ça va passer mieux. Puis ça va être beaucoup moins coloré. Ça ne nous amènera pas toujours à vivre de l'initiation lunaire. Parce qu'au début, quand l'énergie passe, si elle frappe un ego, donc si elle frappe un mécanique coloré, elle va tromper, elle va probablement tromper totalement la personne qui se conscientise, c'est-à-dire qu'elle va l'amener dans des régions initiatiques extrêmement lunaires. C'est-à-dire qu'elle va dire à la personne, écoute, fais ceci. La personne, elle le fait, là, paf, se casse la gueule. La personne intelligente, ça dit, tu vois, hein, quand on fait ceci, il se passe ça. Et maintenant, tu devrais laisser ton emploi. Ça a plus de temps pour évoluer, plus de temps pour te conscientiser. La personne lâche son emploi. Ça se ramasse l'assurance chômage. Puis la déprime. Ça se ramasse l'assistance sociale. Puis la déprime. Puis la personne gueule. Ça va bien, je devrais apprendre plus. L'intelligence se dit, ben oui, ben regarde, tu apprends alors. Là, tu apprends ce que c'est que l'écœurement. Tu apprends que tu aurais dû garder ton emploi. Ouais, tu apprends que tu n'aurais pas dû l'écouter. Tu apprends que tu aurais dû être ton seul maître. Tu apprends. Ça, c'est parce que la personne a un ego. Et c'est de l'initiation lunaire. À un moment donné, l'individu devra comprendre toutes les mécaniques de l'initiation lunaire, puis après ça, il devra traverser dans l'initiation solaire. Puis l'initiation solaire, ça fait partie... Regardez, l'initiation lunaire, ça fait partie des processus de l'évolution, donc ça s'adresse à toute l'humanité. L'initiation solaire, ça fait partie des processus de la transition, ça s'adresse uniquement à ceux qui sont suffisamment conscientisés pour vivre une transition, ceux qui sont en deux feux. Puis l'être nouveau, lui, il échappe totalement à l'initiation, le solaire ou lunaire. Alors, tant qu'on a un ego, évidemment, on doit simplement essayer d'être son seul maître. Si ça n'a pas d'allure, ça ne passe pas. Je ne veux pas. Puis si ça a de l'allure, on y va. Puis, de temps en temps, il faut qu'on se risque. Autrefois, je me tirais au Yiking. Maintenant, je me tire à la carabine. Non, c'est ça. Autrefois, je me tirais au doux. Ce bout-là, c'est moi qui l'ai rajouté. Et le livre me donnait de bonnes réponses à mes questions. Puis maintenant, il compte des mentres. Aujourd'hui, il me semble que les réponses sont beaucoup plus évasives qu'il y a un certain temps. Ben, c'est évident. Quoi? Parce que quoi? Je focalise dans le Yiking. Le Yiking, c'est bon. C'est pas passé de mode. Libération de la femme. Pour la simple raison qu'à l'époque où on devait astralement vous associer, vous assujettir, vous attacher à une philosophie particulière de façon à contrôler votre vie, alors le Yiking vous donnait ce que vous avez besoin de savoir, puis vous manipulait, etc. Mais à un moment donné, il vient un temps où ce que l'humain veut pas, il se conscientise, il continue à s'émanciper, il évolue. Puis là, à un moment donné, on arrive à un point où on doit se séparer des mécaniques du passé. Et l'intelligence qui vous traverse commence à venir pilonner un petit peu la lecture du Yiking pour que lentement la personne se pose des questions puis finisse par lâcher le Yiking. C'est la même chose avec l'astrologie, même chose avec toutes les formes de mancie, avec la radiesthésie. Hein? J'ai compté, quand j'étais jeune, moi je passais mes examens d'école avec mon pendule. Puis à un moment donné, mon pendule, il me pendait, j'ai des mots de problème. Et il me donnait l'inverse des vraies réponses, alors qu'avant, il me donnait les bonnes réponses. Fait que finalement, moi j'écrivais l'inverse des réponses qu'il me donnait, fait que c'était bon. Puis à un moment donné, il me donnait une fois l'inverse, une fois pas l'inverse. C'est bon, j'ai donné un de mes chums. Il est bien associé à celui qui est encore dans trois ans. Celui qui est encore à l'école, là, c'est ça? Encore aux études. Ah, il me demandait son pendule, est-ce que je devrais aller en parapsychologie ou non? Alors, c'est ce qui arrive. La personne, elle devra progressivement se centrer sur elle. Hein? C'est un gros problème. Parce qu'un jour, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus faire confiance à personne. Pas à moi, pas à lui, pas aux commensis, rien. Pas aux extraterrestres, rien. Même pas aux oiseaux pour savoir s'il va pleuvoir ou pas. Il y a une cigale dans le bois, Montebello, il va faire chanter pour rien, la maudite. Ah, il y a une cigale qui chante, il va faire beau. Deux secondes après, il semble voir, quasiment, puis l'inverse. Il y en a un qui m'a dit, non, écoute, la cigale, elle chante pas quand il va faire beau. Elle chante quand il va faire chaud. Ah, nuance. Fait que là, ça m'a chanté encore, elle chante, puis on a gelé toute la nuit. Puis bon. Ça veut dire quoi, ça veut dire? Elle la chante pour se réchauffer, puis ça sèche. Et pour se sécher aussi, de temps en temps. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est une cigale fermentaire. Bon, non, on suit ça nous-mêmes. Quand on va faire une grande marche, on amène nos imperméables au gros. Cigale, pas cigale. Devenir son seul maître, c'est extrême, c'est fondamental, c'est sine qua non. Sans ça, on n'arrivera nulle part. Et la personne est en train d'expérimenter qu'il y a des choses qui ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, j'ai tiré aux cartes dans un marché aux puces, à un moment donné, je n'arrivais pas à vendre mes poubelles. Et puis, je me servais des tarots uniquement parce que les gens ont besoin de tarots. Si une personne se souvient devant moi, me donnait 10$, puis là, je commence à lui dire, « Bon, ben vous, là, blablabla, elle ne me croyait pas. » Fait que là, je chantais des cartes, pong, pong, pong, pong, pong, pong, pong, pong, pong, puis là, je disais la même chose, puis là, elle me croyait. parce que l'humain, il croit aux cartes, il croit pas à l'eau, il croit pas à quelqu'un qui est vivant, il croit du carton imprimé. Mais quand j'étais jeune, je tirais aux cartes, puis j'en avais besoin. À un moment donné, il me suis dit, crime, c'était épais, les cartes, ils servent uniquement à nous stimuler. Alors, donc on n'a pas besoin des cartes, la personne, elle n'a pas besoin du viking. À un moment donné, il va falloir que la personne soit capable de trouver ses réponses elle-même par le savoir instantané, donc par la centricité dans son intelligence. Puis là, tu es en train d'expérimenter qu'effectivement, c'est bon, ça fonctionne, quelqu'un qui s'en sert, allez pas lui dire que c'est pas bon, c'est bon. Et pour vous, ça sera plus bon. Puis un jour, pour elle, ça sera plus bon. Pourquoi les Chinois au complet qui ont inventé le Yiking, ils ne se servent pas du Yiking pour tout faire? Hein? Tu sais, les jeunes révolutionnaires, là, ben, ils prennent le Yiking, là, on va gagner. Le gouvernement, il prend le Yiking, savoir ce que le Yiking révolutionnaire dit, puis là, le Yiking en Yiking. Non, c'est parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. J'ai pas encore rencontré d'astrologue, à part Hollywood, et puis à Las Vegas, d'astrologue réellement riche. Il me semble que quand tu as les clés pour connaître les choses, ben, tu restes pas pauvre, malade, vieux puis vieille, puis plein de faux bijoux. Tu vas pas à la foire occulte au Centre Paul Sauvé, te placer dans les colonnes dans tout le monde là, pendant que tu espères que le monde ira pas voir la petite vieille là-bas, puis le petit vieux là-bas, puis qui vont venir te voir. Là, tu refoules tes cartes. T'as pas remarqué, en plus, j'ai fait ça, moi, mais c'était... Ils font ça avec les animaux souvent, mais il y a des monde qui rentraient, puis on leur avait donné un peu, on leur avait tenté de voir, tu sais, que le truc luminescent. C'est pas vrai, mais ça a été intéressant à faire. Parce que là, tu peux te rendre compte que la personne, elle se fait tirer là. D'un coup, tu te rends compte que le numéro 8, là, qui était la tireuse 1, là, hop, le numéro 8, dans l'après-midi, il est rendu à la tireuse 24. C'est pour ça, le numéro 8, il part comme un papillon, tu sais. Voilà la migration des personnes qui vont se tirer au 4. Ils vont avoir un paquet de tireuses. La même personne. Alors, pourquoi? Parce que ça fonctionne pas. Elle cherche quelqu'un qui va lui dire ce qu'elle veut. Puis ça, j'ai déjà connu ça. Mais quand j'étais jeune, je voulais faire ça. Bonne aventure, 10 piastres. Mauvaise aventure, 15 piastres. Vérité, 20 piastres. Ben, les gens, bonne aventure. C'est la bonne aventure, ils vont aller chercher. Puis ça fonctionne à un laps de temps. À un moment donné, ça ne fonctionne plus parce que vous devrez fonctionner vous-même. Oui. Si jamais on va à Montebello puis que le chef fait de la cigale au chou, on va savoir que ça ne chantera plus. Qui était Lao Tzu, la philosophie de Confucius provenait-elle d'un plan supérieur ou bouddhique? Il y a trois questions là. Y est-il réincarné? On commence par la première. Qui était Lao Tzu? Lao Tzu, c'est un personnage intéressant. C'est un bonhomme qui a inscrit. C'est un bonhomme, premièrement, qui avait un contact avec un Melchizedek. Un Melchizedek, à l'époque, c'est. Aujourd'hui, il y a des Melchizedek qui sont légèrement différents. Un Melchizedek, premièrement, par définition, c'est un catalyseur d'évolution. Donc, ça accélère un système, une structure évolutionnaire. Sans y prendre part. Lui, il ne volait pas là-dedans. Melchizedek, il ne volait pas. Alors, il a rencontré Melchizedek qui a pu ajuster son ajusteur de pensée, brancher son ajusteur de pensée à une mécanique expérimentale. Et Lao Tzu a été l'un des premiers personnages à commencer à décrire les paradoxes de la transition. Alors, il pouvait parler, par exemple, du vide. Il disait simplement, une maison est construite de vide, de portes et de fenêtres. Puis c'est le vide qui permet qu'on puisse l'habiter. Il parlait des rayons, des roues, à l'époque, il y avait des chars, il disait simplement qu'une roue, ben une roue, c'est intéressant. C'est le plein de rayons qui convergent vers le moyeu, mais c'est le vide externe qui permet à la roue de pouvoir fonctionner. Alors, il parlait du vide, du néant. Bon, alors, on veut y goûter, on n'en connaît pas le goût, on veut le sentir, on n'en connaît pas l'odeur, on veut le toucher, on ne peut pas, etc. C'est le néant, le non-être, qu'il appelait. Alors, l'humain disait qu'il était, puis lui, il disait simplement que pour s'en sortir, il fallait ne plus être. Mais évidemment, le non-être, c'est l'être-té suprême, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on entend par les mots. Évidemment, si être, c'est être mémoriel, je pense donc je suis, ben là, nécessairement, le non-être devient évident. Si tu sais que quand tu penses, tu étais, donc je pense, donc je ne suis pas, le mot être est correct. Alors là, au-dessus, il était simplement relié à une mécanique supramentale par l'intermédiaire d'un catalyseur d'évolution. Il a écrit le Tao du roi, entre autres. Tao de King, mais... La philosophie de Confucius provenait-elle d'un plan supérieur bouddhique ou bouddhique? Bon, Confucius, c'était un personnage, non, lui c'était un philosophe qui était réincarnationnellement relié à des mécaniques du passé qui avait rencontré des phénomènes melchizédiens. Confucius a vécu sur deux vies, c'est le même personnage qui va instiguer à un moment donné l'art du Kempo, qui va devenir par la suite le Kung Fu, qui va servir au moine Shaolin. Dans l'un des grands monastères, entre autres. C'est un bonhomme qui était surtout en contact réincarnationnel avec des personnalités du passé qui, elles, avaient connu des Melchizedek et avaient eu des contacts. Mais Kung Fu Tzu n'était pas en contact supramental. Je vibre beaucoup avec ce grand personnage, sa sagesse, fait partie de moi. Saint-Pierre, deux. Effectivement, c'est des personnages qui valent la peine de vibrer à eux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnages qui, je vais vous dire, ce sont des personnages classiques, c'est comme de la musique classique, ça vaut la peine de vibrer à la haute. Formidablement génial. Évidemment, on ne prend pas le Tao de King, on lit, puis après ça, on essaie d'en faire une philosophie. Le personnage, ça vaut la peine de s'abreuver à sa mémoire. S'abreuver à son nombre de formes, c'est génial. Siddhartha Gautama, Bouddha, c'est la même chose. Le Nazaréen, c'est la même chose. Homère, pour l'époque, c'est génial. Archimède, parfait. Leonardo da Vinci, tu connais? Bon, il celui qui a inventé la caramel. Bon, alors, à l'époque, il n'y a pas la technologie de mettre sa caramel dedans. Bon. Je pensais que c'était extraterrestre. Ah ben, c'est ça, mais c'est... Mais même eux ne savent pas qu'ils l'ont fait. Ah ben non. C'est ça, on se relie ces personnages-là, mais il faut dire que l'individu ici réincarne un peu de chinois. C'est pour ça que nécessairement, il aime bien ces personnages. Mais ces personnages-là, c'est très, très intéressant. Ça vaut la peine de se nourrir un petit peu. Veux-tu me définir comment se fait la négoïsation par la technique du tenseur de fascia-lata? Donne-moi des exemples. Bon, on ne s'anégoïse pas par le tenseur du fascia-lata. On s'instruit de l'ego. Et ça règle des problèmes à l'interne. Puis régler les problèmes à l'interne, ça libère la conscience crée la négoïsation. C'est clair? Non? Oui. C'est clair. Tant pis pour vous. La prochaine fois, posez ça à l'intervieweur moins lucide. Mais, bon, la technique du fascia-lata... Mais petit modo, ça veut dire quoi? Bon, ça semblait aussi qu'il y avait une ruse. Mais c'est ça, c'est que le fascia-lata, c'est un muscle corporel là, qui est relié énergétiquement à certains organes qui sont les organes dans lesquels s'expriment la majorité des problèmes émotifs. Donc, ce qui est intéressant de constater, et ça c'est un phénomène, c'est le fascia-lata, la technique, elle sert aux séminaristes surtout, le phénomène lui-même, c'est que le mental, la tête, la conscience, vous, autrement dit, vous voulez des choses, mais toute une grande partie de notre vie, on est empêché de le faire, parce que l'ego, le virus, ne veut pas. Alors la personne, elle veut maigrir, alors on prend soit un humain, soit un appareil, puis on vérifie simplement, en posant des questions, on vérifie la tension fascia-lata, la tension dans le tenseur, donc dans ce muscle-là, et on se rend compte, par exemple, que quand on dit à la personne, pense à quelque chose, pense à un paysage que tu aimes. Alors la tension, disons, elle est de 200. Et après ça, on lui pose une question, on lui dit, bon, alors pense que tu deviens mince et en santé. Puis on se rend compte que la tension est de 120. L'ego, ne voulant pas et s'exprimant dans les organes reliés au tenseur du fascia-lata, empêche, puise l'énergie vitale là-dedans pour se protéger, et le muscle n'a plus la même puissance. Alors, on peut le vérifier. Alors, ce que ça donne simplement, c'est que la personne, elle est instruite que son ego ne veut pas maigrir. Et maintenant, pose des questions. Bon, imagine que tu es mince, mais que tu n'attraperas pas l'anorexie mentale. Ça reste à 120. C'est pas ça le problème. Imagine que tu es mince, puis que tout le monde continue à t'aimer. Hop, on monte à 140. Elle a peur qu'en maigrissant, les gens l'aiment moins. Bon. Et là, on pose des questions comme ça. On voit pourquoi l'ego fait tout pour empêcher la conscience de l'individu de maigrir. Donc, on va trouver pourquoi. Alors, une fois que la personne, elle a trouvé pourquoi, bien là, nécessairement, le mental va commencer le processus de négoïsation. C'est pas le fascia-lata. Alors, le fascia-lata, ça va nous permettre de trouver pourquoi, qu'est-ce qui, dans l'ego, fait que ça ne veut pas fonctionner. En même temps, ça instruit l'ego que ces cachettes ont été trouvées. Ou oui. Comme on disait à un moment donné, la personne travaille à la bourse, puis elle ne veut pas être riche. Égoïquement. Elle travaille comme une folle pour être riche. Puis à un moment donné, ben là, chaque fois que c'est le temps de vendre ou ce qu'elle pourrait faire de l'argent, elle a subitement une grosse envie d'aller aux toilettes. Fait qu'elle manque sa vente. Bon, on peut vérifier que le fascia-lata, puis qu'il contrôle tout le système endocrinien, donc il contrôle le péristaltisme et ces choses-là. Et puis là, on va se rendre compte progressivement qu'elle avait peur de perdre ses amis, qu'elle avait peur de rendre ses parents jaloux. Et puis maintenant que... Là, maintenant, elle peut parler, elle peut simplement travailler là-dessus, mais le mental va faire le travail tout seul aussi, puis progressivement, on vérifie le fascia-lata, puis subitement, hop, ouais, ça vient de prendre de la puissance. Maintenant, l'ego est prêt à être riche. Donc, maintenant, l'ego va cesser de travailler contre l'individu, oui, il va travailler pour l'individu. Ça ne veut pas dire que ça va gagner le gros lot demain matin. Vous allez cesser de travailler pour rien. Alors, ça sert à ça, le fascia-lata. Et par la suite, quand l'ego est au courant, là, il commence le processus de négoïsation, ça veut dire qu'il fait fondre l'ego. Est-ce que tu incarnes ou réincarnes la mémoire de Jésus, de Jésus-Christ ou du Christ? De Jésus. Ouais. Faire le vide par la méditation est-il un bon moyen de se libérer de la mentalisation? Non. Non, parce que quand on fait le vide par la méditation, on descend simplement au niveau des hautes sphères de la spiritualité, ce qui fait que ce n'est pas la façon. La façon de se libérer de la mentalisation, premièrement, c'est d'avoir des amis. personnes avec lesquelles on peut jaser. Et la façon de se libérer de la mentalisation, évidemment, la meilleure façon, c'est de ne pas rentrer là-dedans. La grosse mentalisation, c'est correct, quand on parle de légifération et d'intelligenciation, ça va. Mais de ne pas se laisser attraper par le court-circuitement du mental dans la mentalisation problématique ou pathologique. Et la meilleure chose, évidemment, c'est d'avoir des personnes avec lesquelles on peut s'amuser. Mais des personnes qui font partie de l'intelligence qu'on a. On n'est pas mieux, on n'est pas pire, mais il faut trouver des gens avec lesquels on est ajusté. Et puis, c'est la meilleure façon de parvenir à sortir de la mentalisation. Pourquoi? Parce que progressivement, à travers une communication sentimentique, qui est un réel amour, on va finir par découvrir qu'effectivement, on peut aller chercher autre chose. Le court-circuitement, on va créer une expérience nouvelle malgré la mentalisation. C'est-à-dire que le mental va reconnaître qu'il ne savait pas tout, qu'il y a donc du neuf à aller chercher, puis il va progressivement s'épanouir vers ce neuf-là. À partir du moment où l'humain goûte les expériences sentimentiques, comme tu les appelles, à ce moment-là, le mental devrait avoir de plus en plus de difficultés à contrôler. Oui. Mais la meilleure chose, c'est ce qu'il faut faire, si on fait un résumé rapide de... Ça va être long. Faisons un long. Un grand résumé, en deux mots. L'amitié, ça fait partie du processus absolument essentiel de l'entretien de la santé des corps planétaires pendant la transition vers l'être nouveau. Donc, une personne, c'est évident que la personne va être amenée à un moment donné à être seule. Tu sais, quand le Nazaréen justement disait aux autres, si tu veux me suivre, il va falloir que tu abandonnes ta famille, tes amis. Il va même falloir que tu abandonnes toute ta matière. Puis que tu prennes ta croix et que tu viennes. Ta croix, c'est ton karma. C'est ce que tu es toi. Puis c'est pour ça que tu viendras. Puis là, à un moment donné, c'est pour ça qu'il va se passer des choses. Mais il faut que tu te ramasses tout seul, autrement dit. Puis même le Nazaréen, il était inhibiteur. Hein? Les gens n'allaient pas le réveiller. Hey, écoute, maître, ouais, je suis constipé, qu'est-ce que je fais? Les personnes disaient, on y parlait pas trop, on espérait qu'il était parlé. Alors, les personnes étaient totalement seules. Alors, c'est la même chose. L'individu doit s'arranger pour. Il doit s'arranger pour être seul, ça veut dire qu'il ne doit pas être dépendant de ses amis, mais il doit avoir des amis. On vit encore la même chose, c'est qu'on doit être totalement détaché sans se foutre. Alors, il faut être détaché de la matière, sans se foutre de la matière. Il faut être détaché de la vie, sans se foutre de la vie. Il faut être détaché des problèmes, sans se foutre des problèmes. Parce qu'on s'occupe conséquentiellement de ces choses-là, mais on n'est pas attaché à ces choses-là. Mais l'amitié, c'est le facteur qui probablement va adoucir au maximum la transition. Et c'est évident qu'une personne qui a trop d'ego, qui mentalise un peu encore, va avoir de la difficulté à avoir des amis parce qu'elle aura toujours besoin d'avoir raison. Et puis, évidemment, les personnes qui ne sont pas à son niveau vibratoire présentement, c'est sûr qu'elle ne pourra pas rester amie avec elle. Mais on doit s'arranger pour développer des amitiés. Je dis souvent aux séminaristes, écoutez, vous êtes des centaines de séminaires, de séminaristes, puis à un moment donné, ben, pourquoi vous ne vous appelez pas? Ah oui, mais vous appelez l'autre cave là-bas, pour, qu'est-ce que je vais y compter? Rien! Allô? Je me présente, c'est un tel, tu fais le séminaire de Daniel, là, bon, toi aussi tu fais le séminaire de Daniel, puis à soir, je suis constipé mentalement. Fait que t'as-tu un astérique ou deux, tu pourrais me prêter? On a tellement peur. Avec le groupe des chefs à Montebello, de temps en temps, il y a des séminaristes qui font leurs demandes, puis à chaque printemps, on accepte quelques nouvelles personnes. Puis quand elles se pointent là, ils attendent tous à trouver une gang de grands flotteurs, là, tu sais, absolument sauvages, là. Et puis c'est pas long qu'à un moment donné, leur gros problème, des illusions des dieux, merde, mais ils font des farces ensemble. Alors, je pensais pas qu'ils étaient si évolués. Je pensais qu'ils étaient bien plus évolués que ça. À un moment donné, ils jouent au ballon. Puis il y a même des enfants, puis les gars, ils se tiraillent avec, là. Puis là, il me semble, je pensais que c'était bien plus évolué que ça. Puis comme dernièrement, c'est arrivé en fin de semaine, il y en a une qui s'est foulée à une cheville dans le bois, c'est loin de la place. Son gros problème, ça a été de se fouler une cheville, parce que là, il a fallu que du monde s'occupe d'elle. Puis là, c'est comme si elle forçait les gens du groupe des chefs à baisser. Puis j'ai dit, écoute, tu es en train d'être initié, là. Là, tu es en train d'apprendre à quoi ça sert des amis. Fait que tu es assis sur le chandail de quelqu'un, puis on va te faire un attel avec le chandail d'un autre, puis on l'a porté, c'est presque un kilomètre et quelques dans le bois, des montagnes, des lacs à traverser des cossins. Ben c'est ça. Là, tu es en train d'apprendre à quoi ça sert des amis. C'est ça. Tu sais, l'humain est comme ça, il arrive à la transition, l'autre côté, ça ressemble à ce qui est là. C'est moi, c'est pas plus plaisant. Ben, c'est toutes des choses que l'humain devra apprendre à un moment donné. L'amitié, c'est ce qui va faciliter le plus. C'est ton mari, c'est ta femme. Casse ça, abandonne le passé. Vous n'êtes plus marié. Vous êtes deux amis. Bon. Deux amis sous contrôle, OK, bon, mais. Deux amis. Puis là, on recommence. C'est des enfants, c'est des parents, des amis. Il faut absolument que l'humain se fasse des amis dans l'intelligence. Puis qui apprennent à jouer avec. Moi, il y a une personne avec qui je vais jouer au tennis. Et puis, c'est un ami. Tant que je vais gagner, en tout cas. Mais là, je perds, c'est pas T'achèves d'être ponchon, là. Je me pratique à cachette. Moi aussi. Peut-on se servir des idées contradictoires? Absolument, ça devrait même être intéressant. Il y a toujours des petits dangers, il y a des dangers dans tout, de toute façon. Mais quand on est le moindrement centré et un petit peu conscient, il n'y a aucun problème. Tant qu'on n'est pas assujetti à rien, ça va bien. Absolument, c'est même un exercice extrêmement intéressant. Vous prenez quelque chose, là, puis vous essayez de définir pourquoi vous aimez ça. Après ça, ben là, vous contre-attaquez de l'autre côté, puis vous démolissez au complet l'affaire. On appelle ça être sur deux points de vue. Puis quand on devient un petit peu plus conscientisé, on finit par avoir accès à tous les points de vue. Et ça nous permet de ne plus être raciste, de ne plus être énergiciste. C'est le résumé de infanticiste, sexiste, raciste et tout ça. On n'est plus énergiciste. On n'est plus théologiste, nécessaire théologiste, dans le sens raciste. On finit par avoir la paix parce qu'on est capable d'aborder différents points de vue. Donc, les opinions contradictoires, c'est extrêmement intéressant. Ce serait long à expliquer pourquoi, mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, pour comprendre quelque chose, il faut comprendre que pour comprendre quelque chose, on doit amener des théories. Mais ces théories-là peuvent être totalement fausses. On n'a rien à faire. C'est une marge escalier, c'est tout. Une fois qu'on est rendu dessus, ben là, on peut amener quelque chose de contradictoire qui va nous amener à côté. Mais à côté, c'était le chemin par lequel il fallait passer. C'est comme dans un labyrinthe. Alors, chaque phénomène est important, mais c'est utile. Mais on n'en fait pas une cosmogonie, on n'en fait pas un truc absolu. Alors, effectivement, on peut servir des idées contradictoires. Lorsque j'ai commencé à faire un travail de conscientisation, j'étais une personne qui ne communiquait avec personne. J'allais me cacher dans les toilettes pendant les pauses. Aujourd'hui, ce blocage n'existe plus car je parle beaucoup et je suis capable d'établir des relations. Dernièrement, je me suis mise à enregistrer mes philosophies de la vie. J'en ai été bouleversée car je ne croyais pas être aussi branchée à un ajusteur de pensée. Mais il y a un hic. La voix est bien trop spirituelle, quoique les propos ne le sont pas. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait que le débit n'est pas assez rapide ou est un manque d'énergie? Non. C'est ça le problème des concepts. On pense que pour arriver à telle place, il faut ressembler à telle affaire. Non, je ne mens pas. Moi, en conférence, j'adopte un stéréotype particulier parce que j'ai mes raisons. Quand je suis avec mes amis, c'est totalement différent. Non, c'est quoi le problème? Ça me fait penser aux personnes, mais moi, je suis totalement heureuse. Là, fait que ça me rend malheureuse parce que là, je ne suis pas normal. C'est quoi une voix spirituelle? Si à un moment donné, c'est une colère mentale que vous devez faire, il vous faut une voix mentale, bon, c'est correct. Mais pour le reste, c'est quoi le problème? Si la voix est centrée, si la voix est pas, si le centre de l'aryngée n'est pas déphasé en arrière ou en avant, ou si c'est pas en bas ou en haut, c'est centré. C'est quoi une voix spirituelle? Une voix d'enfant? C'est une voix spirituelle, une voix d'enfant? Une voix de femme? Une voix d'homme qui, bon, servez-vous donc d'informations qui rentrent plutôt que de regarder la forme. Il n'y a pas de stéréotype de l'intelligence. Chacun sera son seul maître à sa propre façon puis rentrera dans sa maison de sagesse. Mais non. Une personne qui a un colon spasmodique, est-ce un trouble de l'ego ou un autre problème? En tout cas, c'est un trouble du colon. Oui, c'est un trouble de l'ego. Une personne qui est malheureuse, une personne qui n'exprime pas son émotivité, c'est une personne qui a peut-être même un mental un peu trop puissant, un mental qui gère sa vie puis qui balance carrément de l'ego. Mais c'est évident que c'est une expression totale de l'ego. Évidemment, une personne peut dire « Oui, mais moi j'ai aussi des amibes, je souffre d'une amibiase. » Oui, il y a plusieurs personnes qui boivent de l'eau sale puis ils se ramassent avec des amibes. Ils ont une diarrhée pendant une journée ou deux puis ça passe. Mais le colon, l'ego, ce qu'il va faire, parce que l'ego, on l'appelle souvent le colon quand on est campagnard. Le colon, lui, c'est... Bon. Ça colonise. Alors, l'ego va se servir des endroits corporels où il y a des points faibles. Et l'ego s'exprime surtout dans le système digestif, dans le système cardiaque ou dans le système pulmonaire. Il va créer des cancers là-dedans, il va créer des problèmes. Bon, là. Alors, s'il y a une faiblesse génétique ou une faiblesse acquise, l'ego se sert de ça. Puis normalement, l'ego, dans ses problèmes émotifs, s'attaque au colon. L'ego qui parle avec le mental, est-ce de la mentalisation se drainant? C'est de l'égoïsation souvent et ça peut effectivement être de la totale mentalisation. Mais c'est évident que c'est drainant parce que même l'égoïsation mentale, c'est un court-circuit. Fait que là, ça travaille là-dedans. Là, ça y va. Ça mène nulle part, ça mène totalement nulle part. Parce qu'en écoutant un disque, là, un vieux disque en plastique, là, ça sent plus ça, en tout cas. Puis qui saute. Tac. La chanson est bien, bien bonne, là, mais là, le refrain, on commence à le connaître. Fait que c'est sûr que c'est plus là. Tu prends de l'électricité, tu vas nulle part. Si on a l'impression parfois que notre double éthérique nous parle, comment discerner si ce n'est pas plutôt de l'astral qui nous parle? On n'a rien à faire. Si c'est intelligence qui vous est dit, que ça vienne de n'importe quelle source, on s'en sert. Puis si c'est stupide qui vous est dit, que ça vienne de n'importe quelle source, on s'en sert pas. D'où l'idée que l'homme doit être son seul maître. Puis à un moment donné, ben là, on va être capable de discerner facilement entre les deux sources. Puis il y a une des sources qui ne se trompe jamais. Mais c'est pas parce qu'elle ne se trompe pas qu'on se dit « Ah ben maintenant, je l'écoute tout le temps. » Parce que la journée qu'on va dormir un petit peu, là, c'est l'astral qui va rentrer, puis encore ça fait planter. On doit être vivant. Puis vivant, vous savez, vivant, ça veut pas dire d'être toujours là. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'astral qui est un peu suspect? C'est quoi, là? C'est pas ça, être vivant. Être vivant, ça veut dire d'être vivant. Être spontané. On réfléchit jamais. Quand tu te demandes si c'est l'ego, t'es déjà plus vivant. Ouais, c'est évident. Mais souvent, les personnes, ils pensent, comme Daniel Piem, qu'est-ce qu'il fait quand avant de se coucher, il est là en train de se virer en son lit, puis se placer une position de yoga extraterrestre, une patte en l'air, puis un doigt comme ça, pour se connecter aux énergies. Puis là, est-ce qu'il pense, il pense à quoi? Quand il mange ses cornflakes, là, il pense à quoi? Est-ce qu'il pense au gars qui a inventé les cornflakes pour... à quoi il pense? Est-ce qu'il calcule chaque bouchée? Il mâche un coup là, puis un coup là pour faire des isométries de mâchoire, équilibrer les muscles. Non, mais il y a des questions que les gens se posent. Un jour, je serai un séminaire là-dessus. Hein? Mais être vivant, c'est pas ça. Être vivant, là, c'est être en train de jaser comme ça, puis se tasser la tête quand la balle de baseball la passe, puis continuer à jaser. Être vivant, c'est marcher dans le bois, puis tomber nez à nez qu'un orignal, puis continuer comme si c'était normal qu'un orignal se trouve dans le bois. C'est ça, être vivant. C'est être mort, c'est « Ah, un orignal! » Puis il n'y a plus d'orignal. C'est être mort. Mais être vivant, c'est facile. Mais c'est comme apprendre à conduire une automobile. C'est évident qu'au début, quand on commence à se conscientiser, on se connecte. L'automobile, au début, là, faut comment qu'on fait pour, mettons, un manuel. Tu sais, l'embrayage, puis la connerie là-bas, puis la troisième, puis la deuxième, puis il recule pas trop vite quand tu avances, puis bon. Puis tout ça, c'est vraiment plate de conduire, c'est vraiment pas le fun. Puis quand tout ça est intégré au complet, là, ben là, mettons, on parle d'autres choses, on s'en va, puis on embraye, puis on débraye, tout va bien. Puis c'est un peu la même chose souvent au niveau de technique, soit de technique PMC, ou encore au niveau de la conscientisation. Au début, c'est sûr qu'il y a un travail qui se fait pour développer des mémoires d'intervention. Puis après ça, à un moment donné, ça se fait seul. Et on doit être vivant. Vivant. Je voudrais savoir pourquoi, lorsque je vais aux Alcooliques Anonymes, je vois plein de gens avec des aurores blanches, tandis qu'ici, je n'en vois pas. Ça fait 5 fois que je vous visite. Merci. Ben, c'est extrêmement simple. Premièrement, il faut faire attention à une chose. C'est que, en résumé, premièrement, il y a une chose qui est absolument importante. C'est que, ici, les individus qui sont ici ont des auras similaires aux auras des Alcooliques Anonymes. La nuance, simplement, c'est qu'il y a probablement beaucoup plus d'émotivité chez les Alcooliques Anonymes. Donc, il y a beaucoup plus de couleurs dans leur aura. Et parce qu'il y a plus de couleurs dans leur aura, et c'est une chose que souvent les spiritualistes ne savent pas, c'est qu'on voit toujours l'aura d'un autre au travers de la nôtre. Vous savez, bon. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Oui. Bon, alors, si mon aura est jaune et que la vôtre est bleue, je vais voir votre aura verte. Hein? Alors, c'est pour ça que connaître l'aura, ça ne sert à rien, parce que quand on regarde l'aura, c'est bon. On ne peut pas rien décrire. Mais alors, ce qui va arriver, c'est que si j'ai plein de couleurs dans la mienne, puis qu'il y a beaucoup d'émotivité chez les Alcooliques Anonymes, ce qui est le cas, bien, le paquet de couleurs au complet va créer un mélange qui est suffisamment homogène pour engendrer ce qu'on appelle le blanc. Mais je vois l'aura des autres au travers de la mienne. Seule une âme pure peut voir l'aura, mais il n'y a plus besoin de la voir. Il sait comment est bâti l'autre. Il n'y a pas besoin de voir l'aura. Alors, la personne, elle voit des auras blanches, là où il y a énormément de structures émotives qui ne sont pas laides. Et quand elle va ailleurs, ça peut être ici par exemple, où les individus auront une aura beaucoup plus mentale dans certains moments donnés. C'est pas une aura qui est mauvaise, c'est une aura qui est différente simplement. Et la personne, elle a aussi une aura de couleurs différentes. Et les couleurs qu'elle voit, de toute façon, elle doit savoir que ce ne sont jamais les couleurs réelles. Parce qu'on voit l'aura d'un autre au travers de la sienne. Et les deux, le mélange des couleurs fait que ce que l'on voit n'est pas la vraie couleur. C'est important de comprendre. Vous affirmez les émotions, c'est nocif. Est-ce que la joie et le bonheur sont des émotions? Non. Ou qu'est-ce qu'un sentiment? Voilà. Bon, j'ai fait plusieurs conférences sur le sentiment. À un moment donné, lorsque l'on va résumer pour la période de questions, on peut toujours s'y référer. Être joyeux, j'ai souvent spécifié aussi que être joyeux, c'était un bonheur spontané. Puis c'est l'apanage de l'être nouveau. La joie, ce n'est pas une émotion parce qu'on va découvrir qu'on est joyeux quand on arrête. Puis on se dit, maudit qu'on a du fun. Plus de fun. La joie, c'est spontané. Alors la joie, c'est un sentiment. Le bonheur, évidemment, le bonheur, on peut le mettre à deux sauces. Le bonheur, ça peut, si c'est la joie, évidemment, le bonheur, c'est donc pas un sentiment. Sauf que pour la majorité des individus, le bonheur, c'est leur passé, puis c'est l'ambiance actuelle. Pour la majorité des personnes, le bonheur est une mécanique émotive. Et, bon, es-tu heureuse? Oui, si je considère, tu sais, il regarde dans le passé, etc. Tandis que si on prend le bonheur comme un phénomène spontané, tu regardes quelqu'un, tu vas dire, « Eh, maudit que cette personne est heureuse! » Parce que spontanément, là, elle est vivante. De toute façon, quand on est vivant, on est joyeux. Ça, c'est un sentiment. Mais le sentiment, c'est autre chose un peu. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà donné. Le sentiment, c'est un aliment du corps vital et du corps astral. L'émotion, c'est la cristallisation, la mémorisation d'un sentiment. C'est la mort de sentiment. Alors, on va penser que le sentiment, c'est une pomme. Alors, je mange la pomme, et puis je digère la pomme, et puis voilà, j'oublie la pomme. Il n'y a plus de pomme. Ça, c'est un sentiment, ça me nourrit. Si j'émotivise le sentiment, je prends la pomme, je mange la pomme, je la mets, je l'envoie dans l'estomac, mais je ne la digère pas. Comme ça, à un moment donné, j'étais tout seul chez moi, j'ai pas de pomme, j'ai goût d'avoir une pomme, mais là, je la régurgite, puis là, je la remange. Puis là, je nostalgise ma pomme. Mais je ne m'en nourrirai jamais de ma pomme, qui progressivement, lentement, perd le goût. Hein. Je vais essayer, vous allez voir, à un moment donné, ça ne va plus. À un moment donné, elle perd le goût. Là, je devrais en prendre une nouvelle pour réalimenter. Je dois nourrir mon émotivité. Alors que j'aime quelqu'un, bon, je me nourris de cette personne-là, et puis ça revient. Puis je l'aime bien gros. Quand elle est là, peut-être que je l'engueule, je chiole après, je parle contre elle. Mais quand elle n'est pas là, ben là, je suis avec du monde, je parle en bien d'elle, puis je l'aime bien gros, puis bon. Puis à un moment donné, elle s'en va en voyage, je prends une photo, j'ai besoin de... Ça, c'est de l'émotion. Si on serait au niveau du sentiment, ben quand la personne n'est pas là, tu ne t'ennuies pas. Tu te nourris de d'autres personnes, tu te nourris de d'autres événements, tu te nourris de toi-même. Puis quand la personne elle est là, ben, tu as besoin de différentes sources alimentaires, tu te nourris de la personne, et là tu crées une synergie, elle se nourrit de toi et se nourrit d'elle. C'est une ambiance intéressante. C'est du sentiment. Le sentiment, c'est la capacité qu'on a d'absorber de l'énergie, communiquée par des événements, communiquée par des humains, par des fleurs, par des papillons, par n'importe quoi. Puis de s'en nourrir immédiatement. Tu regardes un lever de soleil, là, puis ça te met en extase. Tu te nourris. Tu regardes un lever de soleil, là, puis tu prends des photos, tu sais, pour t'en nourrir plus tard chez vous. De l'émotion. Je suis ici pour la première fois. Pourriez-vous me définir le terme supramental? Oui. Supramental, premièrement, c'est un mot qui a été amené par Aurobindo en premier. C'est un hindou qui vivait dans le coin de Pondichéry aux Indes. Et ça veut simplement dire supérieur au plan mental. Donc supramental, supérieur au plan mental. Dans l'ésotérisme québécois, le plan supramental a un synonyme qui est l'énergie christique. C'est un terme alchimique. Et l'énergie christique, c'est le terme lui-même vient à travers des déformations, évidemment, de Christos, le mot grec, etc., qui originellement veut dire messie, mais qui veut dire mutation. Ça vient de l'alchimie très ancestrale. Et à l'époque, on parlait donc de christification lorsqu'un alchimiste parvenait à faire le grand œuvre, christifier les choses. Et de christification, on est arrivé à cristallisation, pas des cristaux. Et les cristaux, pour l'alchimiste, sont des choses extrêmement importantes au niveau d'un paquet de processus, là, avec la rosée, par exemple, de Pâques, ces choses-là, sur lesquelles je vais passer. Alors, le terme christifier, le terme Christ aussi, fait référence à... Si on revient à disons, l'énergie du Nazaréen, de Jésus-Christ, lui parlait de l'Esprit-Saint. Ben, L'Esprit-Saint, l'énergie christique, l'énergie supramentale, c'est toute la même chose. Sauf qu'à travers le langage ésotérique du Québec, on parle souvent du plan supramental. Krishnamurti en a parlé un peu. Aurobindo, ses écrits ont couvert un peu la partie nord de cette planète. Et donc, on parlera souvent d'énergie christique ou d'énergie supramentale. Maintenant, le plan supramental aussi, on peut l'appeler, si on va avoir, disons, un terme plus précis, de l'intelligence active. L'intelligence active, c'est de l'énergie supramentale, c'est de l'esprit saint, ça va de soi. Donc, c'est pas coloré par l'expérience humaine, par l'émotivité de l'homme, de la femme ou de l'enfant. Et l'intelligence active, c'est une intelligence qui est active. Hein? C'est intéressant. Par opposition, nécessairement, l'intelligence qui est passive. L'intelligence qui est passive, c'est ce qu'on appelle de l'intellectuance. L'intellectuance, c'est une forme d'intelligence qui dépend de l'information qu'on a en mémoire. alors que l'intelligence active ne dépend pas de votre mémoire. L'intelligence active amène à l'humain un savoir instantané. Un peu comme lorsque le Nazaréen disait à ses apôtres, quand les apôtres braillaient, ouais, « Mais là, écoute, tu nous envoies prêcher, puis on parle même pas le langue, puis on sait même pas quoi le dire, puis on... » Puis le Nazaréen leur a dit, « Écoute, allez-y, puis quand ce sera le temps, vous saurez. » Alors, ils sont partis, puis là, il y a l'Esprit Saint qui est descendu sur eux comme une colombe. Aujourd'hui, les colombes, ils laissent d'autres choses. Alors à l'époque, ils sont partis, puis là, ils ont commencé à parler. Et puis, tout était parfait, ils savaient tout ce qu'il fallait dire, quand c'était le temps qu'ils le sachent. C'est ça que le grand malheur pour l'humain du phénomène supramental, c'est que ça ne fait pas référence à la mémoire. Celui qui est en contact supramental sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. C'est tellement facile. Et ça, c'est de l'intelligence active, en ce sens que c'est actif, ça ne dépend pas des mémoires. L'intelligence passive, parce qu'elle dépend, parce qu'elle est limitée, dépend de la mémoire. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ben, je le sais pas, ou je le sais parce que je l'ai appris. C'est l'intelligence passive que moi j'appelle intellectuelle. Ce qui est très bon, mais à un moment donné, ça finit par être dissous pour laisser atterrir un autre plan, qui est l'intelligence supramentale ou l'intelligence active, ou l'Esprit Saint, ou l'énergie christique. Parlez-moi de l'auto-guérison. Combien de temps pour en parler? Combien de temps j'ai? Pas beaucoup de temps. Bon. Tu poses ces questions trop lentement. On aura plus de temps pour parler. L'auto-guérison, c'est la guérison par soi-même. Puis l'hétéro-guérison, c'est la guérison par un autre. Il faudrait parler de l'auto-pathologisation au début. Comment on se rend malade soi-même? Je dis souvent que la médecine accepte très bien les maladies psychosomatiques, alors il est temps qu'ils acceptent les guérisons psychosomatiques. Parce que si ça marche dans un sens, ça devrait marcher dans l'autre sens. L'auto-guérison, c'est donc la faculté qu'on a de se guérir soi-même. Ça fonctionne évidemment très très très bien quand on fait partie de l'ère ancienne, de l'ère du poisson, qui est en train de mourir lentement pour laisser naître l'ère aquarienne, l'ère du Verseau. Mais à un moment donné, évidemment, ça ne fonctionne plus. Alors, par le positivisme, on peut guérir des choses, sauf que toute forme de maladie, à part les maladies accidentelles qui sont reliées à des mécaniques plus complexes des structures de l'ego à travers le karma, les maladies sont des phénomènes de psychosomatose. Vous avez une faiblesse génétique, ben oui, c'est ça. Votre ego, à un moment donné, va s'en servir. J'expliquais à un moment donné que vos parents ont eu des problèmes, par exemple, coronariens, à partir de 40 ans. Et puis vous, ben, vous avez peut-être des faiblesses génétiques, mais vous allez voir que c'est à peu près dans les mêmes âges que vous allez développer ça. Parce que vos parents à 40 ans, hein, sont rendus à 60 ans par exemple, ben, les mémoires des parents à 40 ans vous attendent à 40 ans pour s'incarner chez vous. Puis lentement, ils transforment le corps comme le leur. Puis là, vous allez développer les mêmes pathologies, les mêmes habitudes, comme on expliquait à un moment donné. Hein, ton père, toi, c'est le plus pire exemple que j'ai rencontré. La plus pire. Ah oui, c'est ça. Il gueule après son gars, puis Hey. Charles, viens ici! Son père qui parle, puis son père écrit après lui. Tu sais que son gars s'appelle Louis-Philippe. Les affaires dans le genre, tu sais, là, je me suis rendu compte que okay, c'est mon père qui vient de crier. Sans s'en rendre compte, les personnes progressivement adoptent les habitudes de leurs parents. Et puis, ils réincarnent leurs parents, ils développeront donc les maladies. Psychosomatose, c'est extrêmement important, c'est que l'ego de l'humain s'exprime dans le corps physique sans arrêt. Par l'émotion, premièrement, il va attaquer, il va drainer. Par le refoulement, c'est de l'émotion aussi. Il ne veut tellement pas le dire qu'il puise de l'énergie quelque part pour se nourrir. Il en prend dans le cœur, problème coronarien. Il en prend dans les poumons, problème pulmonaire. Asthme, entre autres, l'asthme, c'est un problème totalement psychosomatique. Ou il en prend dans le système digestif. Ça peut arriver qu'il va en prendre dans l'articulation. Ça se promène, dépendamment de comment il s'amuse. Alors, nécessairement, les psychosomatoses sont des mécaniques de l'ego. Il y a un paquet de phénomènes d'auto-guérison qui sont faisables. On peut apprendre, ça peut être la prière, ça peut être l'élimination du karma. Il y a un paquet de phénomènes. Moi, ce que je privilégie surtout, c'est trouvez-vous une raison intelligente d'être en santé. Vous allez voir que ça fonctionne très rapidement. Mais surtout, servez-vous de vos maladies comme baromètre. Vous êtes malade quelque part, c'est parce qu'il y a une affaire chez vous que vous devriez apprendre et comprendre. Puis quand ça c'est compris, par effet secondaire banal, la guérison va s'opérer. Effet secondaire intéressant et banal. Ouais, mais c'est pourquoi je dis que c'est banal comparativement au reste, c'est parce que quand tu règles par conscientisation, ça ne revient jamais. Puis la maladie, elle n'est pas là pour t'aider, la maladie. Quand les gens évoluent bien gros quand ils sont malades, ben, ils apprennent sur eux. Et la maladie, elle n'est pas là pour t'aider. C'est un résultat négatif de l'ignorance humaine. Mais à un moment donné, quand tu règles les choses chez toi, ben, nécessairement, ça va en santé. Est-il bon de dormir sur une douche, sinon pourquoi? Tu m'as dit de poser des questions plus vite. Ça dépend du vidéo. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que placez-vous au moins une couverte de laine, quelque chose comme ça, qui va conserver vos énergies. Sans ça, l'eau draine énormément. L'eau, c'est un grand conducteur d'énergie. Alors, l'eau draine beaucoup l'énergie vitale de l'humain. quand vous avez couché 2-3 ans dans votre lit en santé, là, puis quelqu'un que vous connaissez qui est malade, vous le couchez dedans, il va bénéficier de votre énergie. Quand vous allez vous coucher dedans après, vous allez bénéficier de la sienne, évidemment, c'est pas de sa maladie. Mais on se met une couverte de laine, quelque chose comme ça, par-dessus le lit d'eau, de façon à ce que ça fasse une espèce de... C'est ça qui va absorber plus que d'autres choses. Ça redonne plus rapidement, ça élimine les problèmes. Pour le reste, il n'y a pas trop de problèmes. Puis quelqu'un qui fait des cauchemars dans un lit d'eau, ben, évidemment, l'eau, c'est extrêmement astral, mais c'est encore assez mineur. Il faut simplement s'arranger. Autre chose, évidemment, les lits chauffants, ça, c'est un problème. C'est mieux qu'ils ne chauffent pas la nuit, parce que c'est des champs électromagnétiques qui sont dégagés sans arrêt. Puis évidemment, vous êtes carrément dessus une petite centrale d'énergie, ce qui fait que ce n'est pas génial. Mais que ça chauffe dans la journée, puis que ça, la nuit, quand vous vous couchez, c'est déconnecté, ça va. Il y a des petits points comme ça à faire. Puis évidemment, ben, percer le pot. Ça va faire des rêves aquatiques. Si je ne veux absolument pas aller en Angleterre, allez-y pas. Vous me donnerez votre billet. Est-ce nécessairement parce que je réincarne des mémoires négatives? Par exemple, tout ce qui touche les sorcières, les contes des chevaliers me font peur et me fascinent. Aurais-je vécu quelque chose qui a peur de retourner en Angleterre? Elle a rencontré un mauvais chevalier. Ou un bon chevalier dans son mauvais jour. Mais c'est sûr qu'elle a vécu quelque chose qui la rend négative à ça. Officiel. C'est pas nécessaire d'y aller pour aller purger ou etc. Oh ben non, on laisse passer le temps. Tout. Je vais chercher Raël à Mirabel. Quelqu'un... Il est arrivé à Dorval, il voyage sur le Toronto. Qui attends-tu? Je réponds. Il ne voyageait pas sur National, il serait jamais arrivé. Qui attends-tu? Je réponds le Messie. Raël serait le nouveau Messie, est-ce possible? Messie, Messie. Tout est possible. Le oui et le non. Tout est possible. Comment c'est le genre de questions qu'on ne me pose pas. Pourquoi? Parce que c'est à vous de savoir si ce que c'est pas. C'est vous qui devez reconnaître le Messie. C'est moi, c'est vous, c'est les voisins, c'est personne, c'est tout le monde, c'est plein de gens. C'est une mécanique intraterrestre, extraterrestre, divine, céleste, yavique, éloïmique, géovique, inconique, inconnu on dit. C'est à vous de savoir. Si Raël, pour vous, c'est un sauveur, il peut vous sauver. C'est sûr qu'à un moment donné, l'humain devra se centrer dans son intelligence. Il saura. Moi, je peux pas vous dire si... Je peux vous dire, mais je ne vous dirai pas si Raël est le Messie ou pas. Mais tout est possible. Dans le non, comme dans le oui. Une chose certaine, ça ne sera jamais comme l'humain ici en Italie. Voilà. Comment peut-on prendre conscience de nos mémoires réincarnationnelles? Ça, ça vient tout seul quand c'est nécessaire. Ne cherchez pas qu'on va apprendre, mais ne cherchez pas. Il y a assez de problèmes comme ça, puis il y a assez de choses que vous ne vous rappelez pas. Il fallait faire un dépôt hier, il fallait payer American Express ou Visa. Bon. Quand c'est utile, on le sait. La personne va dire, ouais, mais là, j'ai des problèmes, il me semble que ça serait utile. Mais non, ce n'est pas utile. Quand c'est utile, là, vous allez savoir. Quand c'est utile qu'on sache qui on était ou qu'est-ce qu'on réincarne à travers les structures réincarnationnelles, on le sait. C'est tellement facile. Alors, il ne faut pas compliquer les choses. On le sait quand c'est le temps. La deuxième question, c'était comment les digérer. Les digérer, ça, on ne le sait pas, par exemple. C'est autre chose. Ça serait long à expliquer. On en parle souvent au niveau du séminaire, parce qu'on a du temps en masse, mais à un moment donné, je ne sais pas si on fait une conférence là-dessus, parce que c'est quand même assez local comme sujet, mais ça, c'est long à expliquer. La digestion de nos réincarnations, on en a parlé un peu à un moment donné, là, comment ne pas se laisser envahir par la réincarnation, je ne me rappelle plus les titres, là. Mais on en a parlé un peu comme ça, mais gérer une réincarnation, c'est s'obliger à être soi-même tout en recevant bénéfiquement ce que la réincarnation peut donner. Le reste, ça va se digérer en énergie, ça va te péter, ou ça va simplement se réincarner ailleurs. Alors là-dessus, je vous laisse. Vous vous amusez, vous souriez, puis faites-vous des amis. Bonne fête, Laurent.